Bleu Drôme Ardèche. Première radio sur l'info à Valence et en Drôme Ardèche. Emmanuel Champal. L'UMP a trouvé son nouveau chef, c'est Nicolas Sarkozy. Hervé Mariton finit troisième de la course à la présidence, mais il n'est pas déçu, loin de là, vous allez l'entendre. Dans le Var, des secouristes ardéchois aident les populations sinistrées depuis hier et il y a du travail. Ce matin, vigilance rouge dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le gavage des oies et des canards, une horreur pour une dizaine de militants qui ont manifesté hier devant le restaurant Pic à Valence. Ce Noël, on nous conseille de boycotter le foie gras. Ouais. Vous allez faire comme vous voulez, évidemment, hein, mais l'association Havre, les animalistes de Valence et de Romans pour l'égalité, disent ce qu'elles pensent de ce produit de fête. Une dizaine de militants ont manifesté hier devant chez Pic, le restaurant 3 étoiles à Valence. Le porte-parole, c'est Joris Barra, il dénonce le traitement infligé aux canards, parce que le foie gras, c'est avant tout le gavage, et ça ne passe pas. Les gens en consomment, mais souvent les gens ne sont pas informés des réelles conditions. Notamment dans les grands restaurants, on n'imagine pas que le foie gras, c'est un produit qui est vraiment sinistre dans la manière de l'obtenir. C'est-à-dire de manière industrielle, avec des canards qui sont maintenus en cage, dans lesquels ils ne peuvent pas étendre leurs ailes, ils ne peuvent pas se redresser, ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins primaires. Et puis deux fois par jour, on leur injecte avec une pompe pneumatique une quantité de nourriture considérable. Alors le rapport avec un humain, par exemple, c'est un peu comme si en deux secondes, on en injectait 8 kilos de pâte, par exemple, dans l'estomac, et ça deux fois par jour. Ce qui provoque une maladie, ça s'appelle la stéatose hépatique. Par contre, dans d'autres pays, en Espagne notamment, il y a déjà des alternatives qui sont en place. Il y a des entreprises qui ont commencé à produire du foie gras qui ne nécessite pas de gavage, qui est préparé de manière différente. Et puis, c'est un produit qu'on mange exceptionnellement une ou deux fois par an, trois fois par an, dont on peut très bien se passer ou qu'on peut remplacer par d'autres produits de luxe. En France, on a plein de super plats. On peut très bien remplacer ce produit-là sans perdre grand-chose à notre quotidien. Joris Barra, le porte-parole des animalistes de Valence et de Romans.